Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. RLM. C'est toujours aussi bon. Ah ouais, non mais je peux pas attendre la fin du jingle. Je suis tellement content d'être avec vous. Salut, c'est Harry dans l'émission 120 au compteur sur RLM. Avec toute la bande de fous que vous connaissez, évidemment. Avec, alors on va commencer avec le premier, avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Surnommé. Comment ça bande. Va ben, ça hein va bien, vous. Surnommé la bande. Oui, bon. Sherlock. Oui. Alors, ce soir, évidemment, Sinoche, oui. Et Sinoche. Oui, effectivement. Bah, enfin, Sinoche et Sinoche, déjà. Ensuite, on verra. Oui, bah, c'est déjà pas mal. Donc, tu commences par le rétro-ciné. Oui, effectivement, avec un film de... Attends, je regarde sur ma tablette, parce que je sais que tu vas me demander l'année. Ouais, ah bah, évidemment. Tu voilà. Un regarde. Film... Non, non. Ok, un film... Google. Arrête mon truc, il va s'allumer. Non mais j'imagine bien un film... Ok, Claire Fontaine. Un film de l'année 90. 90, ah ok, ouais. 1990. Et ensuite tu vas nous parler évidemment donc de... Des sorties ciné. Voilà, ouais. Et nous sommes également avec Marine qui est en train de dire mais Claire Fontaine, qu'est-ce Marine, que c'est Claire Fontaine. Elle comprend déjà rien, ça commence bien. Claire Fontaine, ouais. C'est la marque de bloc-notes, de cahiers. Ah, moi j'étais sur l'eau. Ah non, ça c'est Chaud de Fontaine. C'est Chaud de Fontaine, ouais. Non, elle est Fontaine. Ouais, c'est ça. Ouais, bravo. Bonsoir. Marie, bonsoir. Alors toi, tu vas nous parler un petit... Musique, coup de cœur. Ouais. Alors quand tu nous dis musique, tu vas nous parler de quoi? De Bohemian Rhapsody. Qui est un film. Qui est un film, ouais. un film de musique, oh ça va. Hein. Un concert qui aura lieu la semaine prochaine. Ouais. Un petit peu musique quand même. Mm-hmm. Et Woody Woman. Ah bah c'est déjà pas mal. Un grand retour, il nous revient de très loin. D'ailleurs, il nous en parlera parce que ça fait déjà perpète qu'on devait en parler. Il a été au Maroc pour aller faire un tour de chant et il nous en parlera forcément. Et cette fois-ci, j'y tiens. C'est Canon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tutti quanti. Ça va? Bah ça va et toi? Ouais, ouais, c'est ça, tu me dis, il nous revient de loin, je suis pas malade. Je sais que j'ai l'air fatigué en ce moment, mais... Non, je pouvais pas être là, je suis désolé, hein, j'avais pas prévenu la semaine dernière, j'étais très très fatigué. Mais on avait prévenu d'autres auditeurs. Ouais, j'ai jamais entendu une émission si intéressante. C'est vrai qu'en fait, le fait de vous écouter, c'est bien, ça m'évite de parler. Tu en parles de moi? Bah, bon, t'as préparé évidemment ce qu'on aime, cette petite chronique. Ouais, ouais, j'ai une chronique sur une chanson. Bah, c'est classé la 37e chanson la plus écoutée au monde. Et par contre, voilà, je vous en ai donné la traduction, surtout sa genèse. Et c'est plutôt sympa. Et c'est un très très grand monsieur que vous connaissez tous et toutes. Et j'aurai un petit coup de gueule dans l'émission aussi qui va nous concerner par rapport à une législation européenne qui va nous toucher nous en tant qu'artistes, certainement les radios et tout ça, concernant la loi directrice loi Sherlock dans Google. Et ouais, ah, okay. C'est très très sérieux et le paysage de janvier 2019 va certainement changer entre la Belgique et la France sur les écoutes. Voilà, mais ouais. On en parlera. Ok, bon, bah, ça marche. Et puis, de mon côté, moi j'aurai quelques infos à vous passer. Évidemment, il y a la soirée RLM Private Party qui va avoir lieu le 8 décembre. On s'en approche de plus en plus. Et puis, bah, je vais vous parler des lieux de pré-vente. Hein, oui. Là, vous pourrez retrouver donc les ventes de tickets à 8 euros. Alors, profitez-en parce qu'il n'en reste que quelques-unes. C'est jusqu'au 2 décembre, les pré-ventes. Jusqu'au 2 décembre. Donc, dépêchez-vous. Je vous parlerai aussi également d'un tremplin des talents. Il y aura aussi y a un jeu concours. Eh oui, pour gagner donc deux places pour le cirque Universal. Ah bien. Voilà, donc déjà on peut communiquer le numéro de téléphone puisque avant de vous présenter le cirque. Alors le 056 34 11 81 ou depuis la France au 00 32 56 34 11 81. Alors vous pouvez d'ores et déjà nous appeler pour gagner donc deux places. Donc c'est un cirque qui actuellement se situe donc sur la place de Roubaix. Donc c'est le cirque Universal, mais on vous en parlera un peu plus dans le détail au courant de l'émission. Allez, c'est parti. Qué lindo, París latino. face du miroir. Arrivé direct au Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler même plus moi. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, t'es l'Inda Star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Verte sur verre de Cuba Libre, don't forget me, I'm Dr. B. Verte sur verre de Cuba Libre, Dr. B, that's me. sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. 107.9 FM. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur. Et vous allez passer une très très bonne soirée en compagnie de toute l'équipe. Voilà, moi je suis content d'être là. Il est en train de me regarder avec ses petits yeux en disant qu'est-ce qu'il va dire, Mathieu. C'est non, mais j'aime bien quand Adani parle, il parle bien, il a une voix de stentor. De stentor, ouais, ouais, carrément. De maison du café, c'est gringo. Gringo. Non, mais ça me fait plaisir de vous voir. Pas trop souvent, c'est pour ça que 15 jours. C'est exactement bon. Pareil, c'est vrai. D'ailleurs, si ça pouvait se faire une fois par an, ça serait pas mal. C'est peut-être ma dernière. Bon, alors attention, ce soir quand même, pour nos amis auditeurs, vous en avez certainement entendu parler dans les matinales de notre ami Arnaud Tirard. Donc il y a le Cirque Universal qui se produit actuellement jusqu'au 2 décembre à Roubaix. Donc ouais, un super cirque dans lequel évidemment vous avez les incontournables clowns, vous avez un mentaliste, vous avez aussi bien dans le niveau par contre hein, parce que vous avez les incontournables clowns. Ouais, c'est bien parce que ton micro marche tout aussi bien que le mien, je trouve. Oui. Donc vous avez donc mentaliste, vous avez clown, vous avez aussi l'homme drapeau, vous avez aussi également donc des dressages de chiens, vous avez enfin de quoi vous amuser, voilà. Hein, de girafe, il n'y a pas, je pense pas qu'il y a des animaux, mais en tout cas il y a un spectacle laser hors pair, il y a aussi également la voiture Transformers, enfin tout pour faire ravir les plus petits et les plus grands. Et bien bonne nouvelle, RLM vous fait gagner vos places, donc deux fois deux places, et pour ça il suffit de nous appeler Sherlock au numéro 056 34 11 81 ou si vous appelez depuis la France au 00 32 56 34 11 81. Je le dis assez lentement pour que les gens aient le temps de noter. Bien. Eh bien, on va continuer aussi avec Marine, puisqu'on parle de la RLM Private Party. Yeah. Évidemment, donc, soirée qui est organisée donc par RLM, 100% RLM, oui. Avec toute la musique que vous aimez. Ça va se passer donc au Salon des Orchidées. Il y a plein de lieux de prévente, dis donc, et ben, on va les annoncer. Oui, alors il y a le Palais des Sports qui se trouve à Ouattrelon. Oui, chez Céline et Jean-Pierre. By Séverine qui se trouve aussi à Ouattrelon. Chez Séverine. Voilà. Chez Séverine. Forcément. Le Bowling des Alliés qui se trouve à Moucron. L'ETAC à Ouattrelo, la Catita pardon, à Ouattrelo, au Roubaigno à Ouattrelo aussi, le quai 263 à Tourcoing et le restaurant Le Méditerranéen à Moucron. Donc moralité, vous n'avez vraiment, vraiment plus d'excuses pour vous procurer votre place donc le 8 décembre. Je sais qu'aux dernières nouvelles, les réservations s'affilent, les préventes filent, donc dépêchez-vous, c'est limité. Oui, oui. Comme son nom l'indique, c'est la RLM Private Party. Donc, on est là, donc c'est limité. Hein. Je te jure. Donc voilà. Moi, je rebondis quand même parce que quelqu'un m'a posé une petite question. Absolument, tape pas sur les micros. Qu'est-ce qui donc va se passer dans cette soirée? Ça va être une super soirée dans laquelle évidemment vous aurez derrière les platines plusieurs disques jockeys. Il y aura Arnaud Tirard qui va lancer, le bon Arnaud, le magnifique, l'adorable Arnaud qui sera derrière les platines. Et il y aura aussi donc d'autres disques jockeys dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas qui mixeront toujours. Stéphane, je suppose. Non, Stéphane ne sera pas dispo, malheureusement. Ah, il n'est pas dispo. Non, il bosse ce jour-là. Mais vous aurez l'occasion de rencontrer tous vos animateurs préférés. Il y aura Sherlock, il y aura Canon. Oui, bien sûr. Il y aura Marine, il y aura Onissa, il y aura moi, je passerai aussi, non, évidemment. L'a dit préféré. Voilà, il y aura aussi Nicolas qui sera là. Ah oui, Nico, d'Excel FM. Voilà. Ouais. Tous les animateurs de RLM seront là. Il y aura aussi notre patron, notre boss Pierre qui sera là. Ah oui. Également, donc c'est à noter, le 8 décembre, on compte sur vous, comme dirait la petite, on compte sur vous. Donc le 8 décembre, donc au Salon des Orchidées, on vous attend nombreux, faites vite. Donc vous avez les lieux de prévente, si vous avez oublié les lieux de prévente, on va vous les rappeler. Ou sinon, vous allez sur la page officielle donc de RLM et vous aurez tous les lieux de prévente pour vous acheter le fameux clam. Allez, on se retrouve après ça. Charmant, épatant, elle, ses amours avec RLM 107.9 FM. RLM. Youhou. Ça y est, ils sont repartis. Vous êtes bien sûr sur 120 au compteur dans l'émission RLM. Non, c'est l'inverse. Vous êtes sur RLM dans l'émission 120 au compteur. Tiens, en parlant de vitesse, de rapidité, nous sommes avec Marine. Oula, oula. Oui, Marine qui a envie de faire une petite, bah, pas une dédicace, mais en tout cas, nous parler d'une petite anecdote et faire un coucou. Oui, je voudrais faire un coucou à Yves le taximan. Le chauffeur des taxis, comme on peut faire. Ouais. Les taxis. Oui, c'est ça. Il vous écoutait dans une vie antérieure. Oui, il y a dans une petite radio locale, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et il vous a suivi sur 120 au compteur, donc il vous écoute chaque jeudi soir. Donc là, il est en train de nous écouter. Donc, ah, cool. Un coucou à Yves. Ah bah, Yves, ah ouais. Ah bah, Yves, salut. Salut. Puis, bonjour à ton frère Romain. Hein. Non, il a pas de frère, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais bon, bonjour à Yves. Alors Yves, on peut te rappeler que si tu veux gagner donc des places pour le cirque Universal qui se produit à Roubaix jusqu'au 2 décembre, Marine, comment fait-on ? Eh ben, on appelle le numéro de téléphone qui se trouve sur l'autre page, 056 34 11 81. Voilà. Si vous le trouvez pas, c'est celui qu'on vient de vous donner. Hein. Voilà. Ça marche. On peut passer aussi un petit coucou à Véro, hein, qui nous écoute régulièrement. On peut parler de Nathalie aussi, qui a peut-être un petit moment difficile en ce moment, mais on pense à elle. On pense aussi à Dorothée, qui nous écoute régulièrement. Et ah bah tiens, en parlant de Véro, j'ai une petite anecdote et j'ai trouvé ça sympa, parce qu'elle est fan de Enrico Macias. Oui. Et j'ai eu l'occasion de le voir aujourd'hui déguisé en roseau. Et j'ai trouvé ça génial. En roseau. Dans un film où il joue le rôle d'un roseau. Ouais. D'accord. Il a l'air con, mais alors, possible. Je vous assure que c'est vrai. Et j'ai étudié aussi, mais le roseau, ça doit être. Et dans un film récent, puisque je sais pas si ça vous parle, mais le film s'appelle Bienvenue à bord avec. J'aime pas tellement d'ailleurs. Avec Francky Bosque, ouais. Ouais. Et en fait, Enrico arrive à un moment et à la fin, il doit faire son concert et il fait pas son concert et on lui demande de se déguiser en roseau. Ah oui, exact. Ouais, et ouais. Il vient chanter habillé en roseau. Voilà. Ah oui, il est magnifique. Il est magnifique. Bon, le film a pas été top hein, au box office. Histoire de saluer Véro au passage, je lui ai d'ailleurs envoyé la photo de Enrico avec habillé en roseau. Je vous assure, ça vaut le détour. C'est incroyable qu'il s'est lancé à faire ça. Bah, c'est quand même une star. Après, on se moque d'Enrico Macias, mais enfin, il fait partie. Bah, c'est de l'autodérision, en fait. Parce que, si tu veux, un moment dans le film, t'as Franck Dubos qui dit, mais tu sais faire quoi, toi? Bah, il dit, moi, je suis chanteur. Il dit, t'es qui, toi? Il dit, Enrico. Alors là, tu dis, Enrico. Enrico, ouais. Et puis il fait, bah tu chantes quoi? Et il commence à chanter les gens du Nord, il commence à chanter là, il dit, ouais non, tu vas faire un roseau. Mais c'est super marrant, franchement. C'est super marrant. Et rien que cette scène-là, elle est marrante. Elle est marrante. Donc c'était juste pour faire un petit clin d'œil à notre ami Véro. Mais Enrico, quand il commence à chanter, apparemment, on ne l'arrête plus. Hein. Il avait chanté sur La vérité si je mens, alors je crois que c'est le numéro 3. Ouais. Et apparemment, sur le tournage, quand c'était la scène où il devait chanter, à la fin, le réalisateur disait couper, lui, continuer de chanter quand même. Il chantait la chanson jusqu'au bout. Il s'en foutait que la caméra soit coupée. Bah ouais, mais la passion. Quand il chante, il a l'air d'être bien en forme quand même, quoi. Enfin, il n'arrête pas. Ah ouais, non, mais je pense c'est vraiment quelqu'un d'attachant, un peu comme Claude Barzotti qu'on avait rencontré. Je pense que c'est des personnes, on en a rencontré quand même plusieurs. C'est des gens, tu les vois dans une soirée privée, on se boit un verre, on discute et tout ça. Tu dois vraiment te marrer parce qu'ils restent passionnés. Et puis Enrico Macias, en attendant, tout le monde a, c'est Enrico. Dès que tu fredonnes ses chansons, il y en a 5, 6, 7, 8 qui te viennent tout de suite en tête et qui sont partie du pays d'ailleurs. Absolument. Bon, ce que je propose, c'est qu'on fasse une coupure musicale et juste derrière, on va retrouver notre ami Canon qui va nous parler d'une belle chanson. D'accord. Eh bah, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon programme, pas de soucis. Ah, vous allez voir, c'est pas mal. Allez, bah, c'est parti. I never knew love like this before. And now I'm lonely evermore since you came into my life. Yeah, let's go. Come on. You are my love like this, I know. What you say? And I'll never let you go. You're my own, part of me. You're my, come on. Part of me. Yeah, I like it. Once I was lost and now I'm found. Yeah. Then you turn my world around. When I need, I go. My eyes, 'cause I never would say I love you. musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, toujours sur la radio RLM dans l'émission 120 ans compteur. Et dites-vous que derrière l'antenne, on se marre. Alors, Yari qui est en train de me donner une exclusivité. Il faut savoir que vous pouvez gagner $40 en livrant vos matières fécales. Tu vas nous en parler. Alors, non, c'était ta chronique. Je vais en parler maintenant. Ah, tu me fais peur. C'était ma chronique. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais effectivement, si vous recherchez un emploi, tant que c'est pas ma colique, j'ai une offre d'emploi pour vous. Voilà. Voilà, ouais, on en parlera après. Alors, je vais vous parler d'une chanson qui a été classée 37e chanson la plus écoutée au monde. C'est pas ma couleur, c'est pas ma couleur musicale. Et je vais vous en donner la traduction, vous allez essayer de la découvrir. Je me rappelle du temps où nous nous asseyions sur la cour du gouvernement. Ah, j'ai ma tablette qui me demandait de jouer à un jeu, je suis désolé. Je me rappelle du temps où nous asseyions sur la cour du gouvernement Trenchstone, observant tous les hypocrites qui voulaient se mêler aux gens bien qu'ils les rencontraient. De bons amis nous avions et de bons amis nous avons perdu. Sur le chemin de ce brillant futur, tu ne peux pourtant pas oublier ton passé. Alors je te dis de sécher tes larmes et, non femme, ne pleure pas, oh ma petite chérie, ne verse pas de larmes. Je me rappelle du temps où tu étais assise dans la cour du gouvernement Trenchstone, et puis Georgie faisait de la lumière avec le feu, comme si c'était du bois d'amour brûlant pendant la nuit. Et nous préparions notre pauvre repas, lequel je partageais avec toi. Mes pieds sont mon seul moyen de transport, c'est pourquoi je dois y aller. Mais alors je pars, loin, j'espère que tout ira bien. Non femme, ne pleure pas, ne verse pas de larmes. Non femme, ne pleure pas. Ouais, effectivement. Oh, c'est mignon. Alors, c'est beau, hein. Oui. C'est beau, vous l'avez certainement reconnu, mais par contre, tout le monde la connaît. Oui. Le problème, c'est que je suis pas certain que personne n'ait jamais vraiment connu les paroles. Mais moi, j'étais persuadé que No woman, no cry, ça veut dire pas de femme, pas de pleurs. Et je vais t'en parler. Alors, non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Mais c'est exactement ça. Mais c'est pas de femme, pas de cri en fait, ouais. Pas de pleurs, oui. No woman, no cry, classée donc la 37e plus grande chanson de tous les temps, est une chanson qui a été écrite par Bob Marley. Elle figure sur l'album Natty Dread en 74. Et donc, en fait, les droits ont été donnés. Par contre, les droits, pardon, de la chanson et de la mélodie ont été donnés en crédit à son ami d'enfance Vincent Ford. Alors Vincent Ford, c'était son meilleur ami, parce qu'il faut savoir, je vais le faire parce que je suis en train de lire, mais c'est un peu compliqué, je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire en fait, la traduction de No Woman No Cry, ça vient en fait d'une chanson qui se traduit en jamaïcain, signifie en fait femme ne pleure pas, c'est No Woman N-U-H Cry, et ça veut dire tout simplement femme ne pleure pas. Donc la traduction, okay. Tous les francophones, tous entre guillemets, no woman, pas de femme, no cry, pas de cri. Voilà. À savoir quand même qu'il n'a pas fait que ça, c'est-à-dire cette chanson a été écrite parce que c'est sa vraie vie. En fait, c'est vraiment lui qui l'a écrite. D'ailleurs, quand il parle du surnom de la femme que je vous ai donnée, c'est en fait Georgie. C'est le surnom qui était donné en fait à Rita Anderson, qui est en fait devenue Rita Marley, sa femme. Ils ont vécu là-bas. Qui faisait des gaufres d'ailleurs. Qui faisait des gaufres. Mais qu'il est con. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Ils ont appelé leur fille. Je crois que la semaine dernière, on l'a fait aussi celle-là. Ils ont appelé leur fils Davidson, on le sait. Donc Marley Davidson. Bien sûr. Il faut savoir que son seul moyen de survie, c'était en fait d'aller à l'époque à la soupe populaire. Il crevait de faim. Et en fait, c'est pour ça que cette chanson, en fait, il a donné tous les droits à son ami. Ainsi que Crazy Bald Heads, Roots Rocks Reggae and Positive Vibration. Je connais pas trop, okay. C'est vrai que c'est pas trop ma couleur. Tous ces droits-là, il n'a pas touché un seul rond. Il les a donnés à Vincent Ford, son ami, pour qu'il se prenne tout pognon et en exclusivité, donc pour les restos, la soupe populaire là-bas. Voilà, donc en interview de 24 juillet 2012, il y a sa femme qui confirmait cette version. C'est bien sa vie à Trenchstone avec son mari, voilà, de l'époque. Et c'est lui qui a écrit la mélodie. Il a dit, j'en veux pas un rond, je donne tout pour que ça puisse continuer à nourrir les gamins. Donc Bob Marley était un grand monsieur. Voilà, alors moi je vous propose, j'ai évidemment récupéré cette chanson de manière un petit peu plus musclée. Oh non. Non, je te rassure, tous les gens techno qui essayent d'affronter Bob Marley n'ont pas réussi. Ils ont fait des versions un peu plus pêchues, mais par contre ils ont gardé quand même la couleur, si j'ose dire, originale du reggae. Mais vous allez voir, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, au passage, on fait un petit coucou à Chris Roots, tiens. Oui, Voilà. Oui, et qui a une très très bonne émission. Moi qui suis pas quelqu'un de branché sur le reggae, c'est vrai que je l'écoute régulièrement. Et c'est Roots Family, hein. C'est ça. Roots Family, sur une radio confrère. Absolument. Allez. consoeur. Down. Première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. 107.9 FM. Et vous êtes toujours sur 120 au compteur sur RLM. C'était une reprise de Bob Marley. C'était très bien. Oui, No Woman Was the Cry. Yeah. Voilà, et d'ailleurs, on remercie au passage Canon pour cette belle chronique. C'est vrai qu'il nous trouve toujours des pépites, hein, comme ça. C'est vrai. Bah c'est, oui. Bah c'est pas moi qui ai fait les traductions, mais ce que j'adore pour terminer avant ta chronique, c'est qu'il y a vraiment des chansons qui nous ont marqué, vous comme moi, au quotidien, et on fredonne. Bon, on a un anglais approximatif, on comprend. Parle pour toi, hein. Non, mais. C'est complètement bilingue. C'est vrai, puisque t'as de l'américain et de l'anglais, et en fait, quand tu regardes comme Bohemian Rhapsody, tout le monde connaît Bohemian Rhapsody, et pourtant, quand tu as déjà eu la traduction, Marie, Bohemian traduction, voilà, et c'est vrai que c'est le sens m'échappait complètement. Mm-hmm. Tu devais d'ailleurs nous parler d'un. De Bohemian Rhapsody. Non. Bah oui, le coup de cœur de Marine. Voilà, donc un film. Oui, on s'est rendu au cinéma pour aller voir un des plus grands groupes de l'histoire, donc Queen. Et donc le film Bohemian Rhapsody raconte l'histoire de Queen, la vie de Freddie Mercury, leur rencontre pour former Queen et les plus grands tubes, donc comment les tubes sont. Comment leurs chansons se sont construites. Comment elles sont nées, hein. Oui, ouais, voilà, comment elles sont nées, pourquoi. Donc c'est vraiment un beau film, ils ont vraiment. Allez, comment dire. On a vraiment l'impression que c'est Queen qui est devant nous au cinéma. Ouais. D'ailleurs, c'est même la question que je me posais, savoir qui chantait réellement. Parce qu'il y a des moments, c'est vraiment du Queen, il y a des moments, ça l'est un peu moins. Ouais. Moi, la question que je me suis posée, c'est mais comment ils ont fait, quoi. Ah oui. Ouais, est-ce que c'est sur une bande-son ou est-ce que Rami Malek a fait aussi une part. Alors, c'est sûr, c'est pas lui qui chante, on le sait. D'accord. Mais il y a des moments, il y a des vocalises, il y a ce genre de choses. C'est pas Freddie Mercury qui fait les vocalises, et c'est quelqu'un d'autre, et vraiment. Il y a la fameuse d'ailleurs chanson de Bohemian Rhapsody où ils font Galileo. Oui. C'est d'ailleurs marrant, hein, c'est très comique cette scène-là. Ça, à mon avis, c'est les rushs qu'ils ont fait en studio à l'époque. C'est trop propre. Ils ont dû récupérer. Ça s'appelle du mouse morphing, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont jusqu'à chaque point de la bouche en fait et retravailler par ordinateur pour qu'à un moment, si la personne est pas à côté, image par image, ils retracent de telle façon que tu as des playback formidables. Ah, mais là, pour le coup, on le voit très souvent. Alors si j'avais peut-être un petit critique à faire, c'est que je veux pas spoiler le film puisque de toute façon vous connaissez bien sûr la vie de Freddie Mercury, mais ça se termine en 1985. Or il a fait en 86 le concert de Wembley, on n'en parle pas. Oui, non, ça, il spoil pas. Mais au début du film, en fait, tu vois qu'il arrive dans les coulisses pour aller faire le live edge, oui. Comme ça qu'on dit. Oui. Donc c'est vraiment le début du film qui montre la fin. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas partis plus loin que. C'est possible. Il y a certainement une raison. Après, ouais. Je regrette aussi le fait qu'on n'ait pas parlé du tout de sa carrière solo. Oui. Il a quand même fait un duo et un album avec Montserrat Caballé. On n'en parle pas du tout. Exact. Il y a aussi le titre Living on My Own qui est sorti en 93, enfin, qu'on a réentendu en 93 remixé par un DJ allemand, oui. Était sorti sur un album solo de 85. Bah oui. Donc après pour tout traiter, j'ai pas entendu Pavarotti. On n'en a pas parlé, il a chanté aussi. Ouais, exact. Ils en parlent pas, donc bon. Bowie, on l'entend. Bowie, il a fait un duo avec Bowie aussi. Ouais. Bien sûr. Il y a plein de chansons. Après, il y a d'autres chansons où j'ai eu l'impression qu'ils ont récupéré la chanson pour en donner un sens dans le film, alors que, et on en parlait hors antenne, c'était des BO comme celle dont tu me parlais hors antenne, de Flash Gordon. La BO de Highlander Who Wants to Live Forever, et quand il chante la chanson on a l'impression qu'il la chante comme si c'était lui parce qu'il veut vivre éternellement. Mm-hmm. Or c'est pas tout à fait ça, et donc bon, allez, je pense que ça a été un peu romancé, mais c'est un film magnifique, ouais. Sublime, c'est 2h15, voilà. Qui passe énorme pas, c'est énorme. Par contre, c'est la vie, c'est vraiment fait pour les fans de Freddie Mercury, ou alors moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a vraiment un travail sur Freddie Mercury de mieux comprendre l'individu. Je m'étais jamais intéressé à Queen, à Freddie Mercury, au final. Ouais, donc là on parle vraiment de le Freddie Mercury à travers Queen. Ouais. C'est pas simplement des bandes son. Non, il y a vraiment son histoire. Donc ça va. Ouais, je vais aller voir samedi. Ça démarre carrément du fait qu'il était bagagiste à Heathrow. Faut le savoir quand même, il a démarré comme bagagiste à Heathrow. Ouais, ça démarre de là en fait, tout simplement, et d'une rencontre avec un groupe. Et puis après, je vous laisse aller le voir parce qu'évidemment, c'est un film qui a déjà fait plus d'un million d'entrées, je pense, en une semaine. C'est en première position. Voilà. Et franchement, ça en vaut vraiment la peine. Par contre, je crois avoir envoyé à Sherlock, je l'ai plus maintenant, une vidéo où on entend le gars en train de jouer il y a un gars qui fait Freddie Mercury. Oui, en fait, j'ai su après, bon, il y en a qui chantent bien. Lui, c'est un phénomène. Ouais, là, c'est son sosie vocal. Réincarné, c'est son sosie vocal. Il chante au piano voix comme ça. Le mec, il se lâche tranquille et t'envoie ça. Il paraît pas pourtant quand tu le vois. Il paraît pas, non. Mais est-ce que tu sais au moins pourquoi il avait réussi à avoir cette voix? Il avait des cordes vocales anamorphiques. Pas seulement. Ah, il était homosexuel. Non. Il a été non, c'est pas par rapport à ses dents. Il a été bi, oui, c'est par rapport à ses dents, parce qu'il avait 4 incisives, en fait. Ah oui, exact. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avais entendu ça aussi. Voilà. Ouais. Donc, on conseille, allez le voir. Oui, vraiment. Vous faites-vous implanter des incisives? Ouais, et allez d'abord voir Queen pour savoir ce que ça fait. Ouais. Toi déjà fais-toi implanter des dents, on est vrai. Après les incisives, ça passera. Une fois que t'as les dents, mets-toi un visage. Pourquoi pas. J'essaierai de mettre un cerveau dans tout ça, en passant. Allez, bon, on se retrouve tout de suite après une petite coupure musicale. Alors, je sais que Marine va aimer parce qu'elle va aller voir demain en concert. C'est Kyo avec ton mec, on reviendra avec les Black Eyed Peas. Je vais faire Trisomie 21, moi. Je vais essayer d'en trouver pour la prochaine fois. Non, c'est Kyo, mais bon. Il te fait perdre pied, la tête et les pédales. Ton inconnu est un pavé dans la mare des jours qui passent. Ses lèvres bien ajustées coulent des accents de bibliothèque. À croire qu'il ferait tout ou presque mieux que ton mec. Ton mec. Neuf comme un nouveau lycée, comme le miroir de première fois. Ton inconnu t'a remarqué dans la couleur de ton choix. Dans les tissus les plus légers, dans ton uniforme de nymphette. Celui qu'il y a quelques années au rêve s'est chaviré. Ton mec. Ton mec. Ton mec. Il a la gâchette facile, ton inconnu te réinvente à l'halogène de son désir. Il est l'homme des superlatifs, pas celui des fins de mois. Ton inconnu ne parle pas de chiffres ni de sport le dimanche soir. Alors le sourire aux yeux et les larmes aux lèvres, tu lui donnes un bout de toi. Tu abolis les privilèges de ton mec. Et le goût de l'amertume de la lumière bon marché. Dans ses mauvaises habitudes, tu observes ton garde-côte. Alors seulement tu réalises que ton mec est l'inconnu d'une autre. Welcome to the inn. Do not panic. There is nothing to fear. Everything around you is changing. Nothing stays the same. This version of myself is not permanent. Tomorrow, I will be different. The energy never dies. Energy cannot be destroyed or created. It always is, and it always will be. This is the end and the beginning. Forever. get get. Gotta get get. Gotta get get. Gotta get get get get get get. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. That boom boom boom. That boom boom boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual shit. I got that boom boom boom. How to beat bang. I like that boom boom pow. Them chickens jogging my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm sold 3008. You sold 2000 and late. I got that boom boom boom. That future boom boom boom. Let me get it now. Boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. That boom boom boom. That boom boom boom. I'm on that supersonic boom. Y'all hear that spaceship zoom. When I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all suck on super ape shit. That lo-fi stupid ape bit. I'm on that HD flat. This beat go boom boom pap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808. That boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands. Et c'était boum boum boum. Pao. Boum boum pao. Boum boum pao. Bah oui, je te l'ai dit, boum boum pao. Oh, je t'arrête à boum boum. De qui Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, les petits pois aux yeux noirs. Ouais, c'est ça, ouais, en plus. Avec Fergie. Mmh. Ouais. Qui était. Mais qui était, plus. Qui est plus, bah oui, malheureusement. Oui. Moi, je voudrais vous rappeler le jeu concours, donc pour le cirque qui se place, qui sera place de Roubaix. Donc vous pourrez retrouver des. Il y est déjà. Qu'il y ait place de Roubaix. Donc il y aura des clowns, l'homme drapeau, les dressages de chiens, mentalistes, transformers et donc RLM peut vous faire gagner des places Donc il faut juste téléphoner au 056 34 11 80. Et combien de places fait-on gagner? 2 x 2. Ouais, ça c'est bien. Okay, alors appelez-nous. Allez, rappelle-nous le numéro, Sherlock. 056 34 11 81 ou depuis la France, 00 32 56 34 11 81. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratos. Ouais, je suis un fervent aussi d'informatique, c'est qu'il y a la page Facebook, donc en mail privé, vous pouvez nous envoyer un mail. Hein. Oui, vous nous donnez votre nom, votre prénom, votre adresse et Sherlock se fera un plaisir de vous livrer les deux places gratuites. Oui, bien sûr. Et les mensurations aussi. Oui, c'est ça, absolument. C'est le rentre. Bon, Sherlock, à toi de bosser maintenant. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Il se réveille. Bah non, mais moi j'étais resté sur les Black Eyed Peas. Combien de Prozac ce soir? Je sais pas. Non, mais là je vais vous parler d'un film, ça va forcément vous parler. D'accord. Alors, retour vers le futur. Non, pas du tout. Non. Donc c'est un film qui est sorti le 3 janvier 1990. Donc 1990 pour nos amis belges. Un mercredi. Oui, c'est ça. Et donc c'est un film de Rowdy Harrington. Ah. Et la musique est de Michael Kamen. Ah, j'adore. Est-ce que ça vous parle? Ouais, alors c'est un duo. De quoi c'est un duo? Dans le film, non? Non, du tout. D'accord. Tu penses à quoi? Ah ouais, j'adore. Ah non, mais Michael Kamen qui a beaucoup joué avec Clapton. Ah oui, non, mais c'est pas ça. Ah ouais. Tu penses à L'Arme Fatale? Absolument. Eh ouais, mais c'est pas ça. Ouais, c'est vrai que... Alors, le film a fait 639 139 entrées au box-office français. Honorable. Ce qui est pas beaucoup, quand même. Et il a quand même reçu 5 nominations aux Razzie Awards. Ce qui est, en gros, les pires... Les Gérards, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les Gérards des films. Ouais. Donc, c'est les trucs un peu pourris. D'accord. Ça m'étonne pas que ce soit toi qui nous en parle. Ouais. Ah, pour nous, il est connu ou... Ah oui, il est très connu. Il est très connu. Alors, au cinéma, il a pas fait beaucoup d'entrées, mais par contre, d'accord. Après, en VHS, parce que c'était encore les VHS, et en DVD, il a fait un carton, et c'est un film qui est devenu limite culte. Et je vais vous faire écouter la première musique que j'ai tirée de ce film. Écoutez bien. S'il va bien se lancer. These arms of mine, they are lonely and feeling in blue. These arms of mine, they are yearning. Yearning for wanting you, and if you alors. Let them hold you. Alors, est-ce que ça vous parle? Bah, Otis Redding, oui. Oui, Otis Redding, effectivement. C'est une BO qui avait été utilisée dans Dirty Dancing. Oui, effectivement. C'est donc le titre These Arms of Mine. Ah, c'est beau. Otis Redding. Alors, mais effectivement, c'est pas la chanson qu'on entend dans Dirty Dancing. C'est dans un autre. Arms of Mine, la traduction, c'est des bras autour de moi. Enfin, ses bras autour de moi. Ouais, ses bras autour de moi. These Arms. Marine, je montrerai en tête comment c'est. Avec Sherlock. Oui, bien sûr. Bon, alors. Il se passe des trucs dégueulasses dans le studio. On passe le bonjour à Sherlock. J'y pense, au fait, elle a pris ou pas la semaine dernière. Bon, on va continuer. Alors, donc Otis Redding. Donc, effectivement, ce n'est pas dans le film Dirty Dancing. Oh. Non. Est-ce que c'est une comédie, j'imagine? Pas du tout. Ah, pas du tout. C'est un film sérieux. Oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est quand même un film sérieux. Alors, je vais vous passer un deuxième extrait. Alors là, à mon avis, Harry, qui est un féru aussi de cinéma, de films cultes, notamment Sausage Party, hein. J'adore. Je crois que c'est l'un de ses films préférés du moment. C'est vrai. Là, je vais vous passer un extrait de dialogue. Écoutez bien. 1975, Albuquerque. Je me suis pris dans le nez une bouteille de Jack Daniels. Je traînais dans un endroit où j'avais absolument rien à foutre et j'étais bourré à mort. Et lui, il s'est fait casser la tête. Et ta cicatrice? Ah, ouais, je vais vous en montrer une de cicatrice, une sans laquelle je serais plus moi-même, Doc. Une histoire de cœur? Une belle histoire, ça, oui. J'ai une petite envie de danser. Vous danseriez avec moi? Oui. Alors? Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec Bill Haley? Bill Haley? Non, Bill Haley. Non, ah c'est Jeff Haley. Oui, effectivement. J'adore l'acteur qui est dedans, mais alors pas le principal. Ah d'accord. Mais celui, il est un peu, qui vient lui donner un coup de main d'ailleurs. Mais c'est celui qu'on vient d'entendre. Oui, absolument. Alors celui qu'on vient d'entendre. Comment il s'appelle déjà? Effectivement. Alors c'est Sam Elliott. Sam Elliott. Ce film, je l'adore. Alors, je vais vous donner quelques noms d'acteurs justement dans le film. Il y a Terry Funk, Kevin Tite, Jeff Haley, Red West, Ben Gazzara, Sam Elliott, Kelly Lynch, et je laisse l'acteur principal pour la suite. Alors, attends. Non, c'est pas, mais est-ce qu'il dit dedans on l'appelle Jackson? Oui. Oui, effectivement. Non. Il s'appelle Jackson. Dalton, c'est Dalton. Il s'appelle Dalton. Bon. Et Ben Gazzara est un concessionnaire de voitures. Non, Ben Gazzara, non. Ah non, c'est un pourri. Ouais, c'est un pourri. C'est un pourri. C'est un pourri. Ouais. Alors, je vais vous passer le deuxième extrait de dialogue et on se retrouve tout de suite après. C'est avec un acteur décédé. Oui. Ouais, oui, le grand. Décédé, non, mais celui le plus grand. Ah, pas forcément. Enfin, c'est pas ce que t'appelles. Ah, si, dans l'acteur, l'acteur principal de ce film. Bon, tu vas me le dire en antenne. Je vais voir ça. Give up your vow. Save our city. C'était Jeff Healey avec... ouais, mais si je vous dis le titre, vous allez trouver tout de suite. On l'a trouvé, tu sais. Ouais, bon. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le dernier extrait de dialogue que j'ai repris. Ah, le dialogue sur le toit. J'adore ce dialogue-là. Eh ben, c'est pas celui-là. Je sais pas si c'est celui-là. Un peu tard pour rendre visite aux gens, non ? Je suis venu pour te parler. Non, t'es venu me dire de me tirer d'ici. Je suis inquiète pour toi, Dalton. Tu ne le connais pas. Mon cul, ouais. Des Wesley, j'en ai rencontré beaucoup. Ces mecs-là n'ont pas de secret pour moi. Ils écrasent les autres jusqu'à ce qu'ils se fassent écrabouiller à leur tour par plus fort qu'eux. Personne n'a encore réussi à lui donner une leçon. Et tu en serais capable. Brad Wesley m'a défié. Et en osant faire ça, il a creusé sa tombe. S'il y a bien une chose dont tu peux être sûr, Lisa, c'est que je gagne toujours. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça? Qui ça va servir? Aux habitants de cette ville? Ça m'étonnerait. Bon, c'est vrai que ça fait un peu mal jouer en fait quand on écoute comme ça. Tout à fait, quand t'entends, tu dis. Quand t'as pas l'image, c'est horrible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait mal jouer. Ouais. Moi, c'est Dalton. Je sais pas si tu vas garder Redhouse. Je sais pas pour vous, mais moi, ce qui me trouble aussi, c'est que la voix du personnage principal, c'est pas la même que les autres films. Oui, c'est vrai, oui, exact. Et c'est un peu troublant, hein. Mais alors, je vais vous donner quand même le pitch du film. Quand même. Donc, c'est Dalton qui est un talentueux videur de boîtes de nuit, qui est adepte des arts martiaux et bachelier en philosophie quand même, et qui est formé par le vétéran du métier Wade Garrett. Il prend un poste au Double Deuce, discothèque malfamée de Jasper City dans le Missouri, afin d'y rétablir l'ordre. Il se rapproche rapidement d'Elizabeth Clay, une jeune doctoresse, et s'oppose à Brad Wesley, qui fait régner la peur sur la ville. Ouais. Le pitch est pas faramineux, hein. Mais c'était un bon petit film d'action et c'était donc le film Roadhouse. Et effectivement, Roadhouse ou au Québec Bar routier. Oh là là. Eh ouais, de son charme. Bah ouais. C'est vrai que ça fait bizarre en fait. Qu'est-ce que tu vas voir? Bah, bar routier. Ça le fait beaucoup moins. Ça le fait beaucoup moins. Mais je te rejoins quand tu dis effectivement au cinéma il n'a pas fait. Oui, il a. Ouais. Mais par contre, c'est vrai, en DVD, en VHS, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Hein. Oui, bah ouais, c'est clair, ça a été vraiment un film culte, en fait, un peu comme Point Break, à l'époque, qui a peut-être pas fonctionné super au cinéma, par contre, qui a été vu des centaines de milliers de fois après en VHS. C'est vrai. Alors, je vais vous donner quelques petites anecdotes sur le film. Il y a Annette Bening, donc, qui avait été pressentie pour jouer le rôle du Doc, mais le rôle fut finalement donc attribué à Kelly Lynch, actrice très en vogue à la fin des années 80. Elle avait notamment joué dans Drugstore Cowboy, Cocktail ou La Maison des Otages. Ah ouais, bon, on la voit plus, elle. Non, elle a fait d'autres petits films, mais beaucoup moins connus par la suite. Hein. Belle blonde, en tout cas. Oui. Patrick Swayze a été formé donc par le champion de kickboxing et star d'action Benny the Jet Urquidez, qui a également eu un petit rôle dans le film, un petit caméo en fait. Oui. Pour pouvoir jouer le rôle de Dalton, Patrick Swayze dut se désengager d'un autre film d'action pour lequel il avait été approché. Est-ce que vous savez lequel? Terminator. Pas du tout. C'est Tango et Cash. Ah ouais. Eh ouais. Ouais. C'est Tango et Cash. Il aurait été question qu'il interprète le personnage de Cash aux côtés de Sylvester Stallone, qui a été repris après par Kurt Russell. Oui. Donc ils ont à peu près le même physique, hein, même visage, quasiment même coupe de cheveux. Non. Non, mais forcément. Mais quand tu regardes regardes les deux acteurs côte à côte, ils ont quand même pas mal de similitudes. Ouais, forcément. Ouais. Alors, vert. D'ailleurs, en raison d'une blessure qu'il s'est fait sur le tournage, Patrick Swayze a dû décliner la Pardon ? Une blessure qui s'est faite. Oui. Il est perdu maintenant. Ouais, non. Qui s'est fait lors du tournage. Sur le crounage. Oui, Patrick Swayze a dû décliner la proposition de jouer dans Predator 2. Ah ! Il se rattrapera cependant en acceptant le rôle de Sam dans Ghost. Ah, il a bien fait. Ouais, je pense. Cody, donc le guitariste aveugle du film, est interprété par Jeff Healey, un bluesman canadien auteur de nombreux albums. See the Light en 88, Feel This en 92, Among Friends en 2002. Il est décédé en 2008 des suites d'un cancer. Ouais, le pauvre, il est mort jeune. Ouais. Alors, il a pas fait beaucoup. Il a pas eu une carrière vraiment à l'international. Il est resté plus au Canada et aux États-Unis, où là, il a vraiment cartonné, surtout au Canada d'ailleurs. Il était réellement aveugle. Oui, il est devenu vraiment aveugle à l'âge de 8 mois. Ah oui, d'accord, donc il était... Comme Gilbert Montagnier. Oui, exact. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si c'était à l'âge de 8 mois. Je crois que c'est à l'âge de 5 ans, Gilbert Montagnier, il me semble. Ouais, et puis il est pas mort d'un cancer. Non. Par contre, je l'ai croisé sur l'autoroute la dernière fois, il tenait encore la rambarde, il m'a doublé. Alors, la chanson, donc, This Heart of Mine, qu'on a entendu tout à l'heure de Otis Redding, qui illustre une scène d'amour entre les personnages joués par Patrick Swayze et Kelly Lynch, a également été utilisée, donc, pour une autre séquence torride, figurant cette fois-ci dans Dirty Dancing, séquence à laquelle a aussi participé le célèbre acteur Patrick Swayze. Oui, et ça se passe sur le toit, là, ou pas? C'est celle-là, non? C'est à l'intérieur, je pense. À l'intérieur. Ouais. Et donc, je crois qu'ils finissent par contre sur le toit à regarder les étoiles, hein, quand même. J'ai jamais vu. Si, sur la toiture, à un moment. Ah, c'est ça, votre scène de la toiture depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, oui. Et alors, donc. Je peux te dire qu'elle est bonne. Et dernière petite anecdote, plusieurs gardes du corps suivaient Patrick Swayze durant le tournage. En effet, sa beauté a posé problème lors du tournage. Une camionnette contenant un groupe de femmes d'âge moyen a tenté de se rendre jusqu'à la caravane de la star pour rencontrer l'acteur. Et au cours de la grande bagarre au bord de la rivière, un radeau avec plusieurs femmes aimant Patrick Swayze est passé par-dessus bord. Une femme supplémentaire jouant la serveuse, d'ailleurs, qui était embauchée dans le film, était trop occupée à regarder Patrick Swayze pour regarder où elle allait et a trébuché renversant toutes ses boissons sur une autre extra qui avait été engagée pour le film. Ah, c'est excellent. Voilà. Ah, mais je peux comprendre, c'est vrai qu'il y avait du charisme, du charme. Il avait joué Dirty Dancing quelques années avant, donc forcément, c'était la star, la star avec du sex appeal. Donc, il y a eu le même coup avec Tanod au Singing Studio, hein. Ouais, c'est vrai, qu'il a croisé, a perdu une de ses bières. Mais moi, elle venait. Ouais, c'est vrai, j'ai encore des tâches. Mais moi, je venais sur l'un en ramant. Elle venait en rade sur l'un. T'imagines, Paris-Lille. Eh ben écoute, merci pour cette rétrospective sur Roadhouse. Oui. On rappelle, Marine, le jeu concours pour gagner donc deux places. Oui, le jeu concours donc pour gagner deux places. Le cirque universal qui est actuellement donc sur la place de Roubaix. Oui, et donc faut nous téléphoner au 056 34 11 81. Allez, bon, on se retrouve tout de suite après ça. C'est une certitude, tout est dans le style, la pose attitude. Mais des crabes dans un panier, c'est la société. Des panurges et des requins associés. Bras dessus et bras dessous, l'un sur l'autre dans la boue. Tant qu'on peut encore debout, monter les marches. Ni toi ni loi, que c'est tout qu'on bat le poids, et ça tournera comme ça, tant que ça marche. Chacun ses blessures et ses habitudes, chacun dans la jungle à sa soif d'altitude. Des loups dans la bergerie, bestiale comédie, depuis que l'immonde et monde sont unis. Les bras dessous, l'un sur l'autre dans la boue, sans qu'on peut encore debout, monter les marches, sans rester ni foi ni loi, sur ceux qui font pas le poids, et ça tournera comme ça, tant que ça marche, l'homme est un animal condisciplin. Sur l'autre dans la boue, tant qu'on peut encore debout, monter les marches, oh, sans respect, sur ceux qui font pas de poids, et ça tournera comme ça, tant que ça marche, bras dessus et bras dessous, l'un sur l'autre dans la boue. know what you're doing. You can say brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are. What you are, baby. Womanizer, womanizer, you're a womanizer. Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You, you, you are. You, you, you are. Womanizer, womanizer, womanizer. Boy, don't try to front, I know just to let you are. Boy, don't try to front, I know just to let you are. You got me going, you're so charming, but I can't do it. Boy, don't try to front, I know just to let you are. Boy, don't try to front, I know just to let you are. You say I'm crazy, I got your crazy. You know I'm better with you, womanizer. Daddy, you got the swagger of a champion. So bad for you, you just can't find the right companion. I guess when you have one too many makes it hard. It could be easy who you are. That's just who you are, baby. Lollipop, mistake me or the sucker. To think that I will be a victim, not another. Say it, play it how you want it, but no way I'm never gonna fall for you. Never you, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer. Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You, you, you are. You, you, you are. Womanizer, womanizer, womanizer. Boy, don't try to front, I know just to let you are. Boy, don't try to front, I know just to let you are. You got me going, you're also charming, but I can't do it. Aussi bon évidemment dans l'émission 120 au compteur avec la douce Marine. Oui, c'est moi. Le dur Sherlock. Oui, c'est moi. Et le Toumou Kadon. Et moi. Et on a avec nous aussi Nicolas, hein, qui est aussi l'un de nos confrères animateurs de l'émission Excel FM. Ça y est, j'ai retenu. Donc ouais. Tous les lundis soirs. À partir de 19h jusqu'à 20h. Alors si vous aimez le foot, hein, branchez-vous sur RLM, donc tous les lundis soirs, et puis vous aurez tous les pronostics, les matchs, enfin tout ce qui se passe sur l'univers du football. Les résultats en Ligue 1 en France et la Pro League en Belgique. Bien. Donc bah voilà, c'est dit. Alors moi je voudrais vous parler aussi d'un bel événement qui se prépare actuellement sur Waterloo. C'est le tremplin, je vous en avais parlé, le tremplin des talents. Alors le tremplin des talents, rapidement, c'est organisé par Christian Lebon. Alors Christian Lebon est un Parisien, prod parisien, qui a commencé sa carrière en chantant avec Charles Trenet. Donc il a interprété avec Charles Trenet différents titres, et depuis 2016 en fait il a créé donc le tremplin des talents, donc au cabaret Artichaut à Paris, cabaret plutôt connu, et donc il fait un tour de France des tremplins pour découvrir tout type d'artistes, hein, que ce soit des chanteurs, des danseurs, des mentalistes, des magiciens, enfin quelqu'un qui a du talent, tout simplement. Bon, pas des dessinateurs, évidemment, ou des peintres, c'est pas très intéressant, mais il faut que ce soit scénique. Donc il y aura des... alors il faut savoir, pour la petite information, c'est que grâce à ce tremplin des talents, il y a eu Jean Dujardin qui a été découvert, il y a Bruno Salomon. Oui, Magali Vahey. Et donc la première, ça, c'est plusieurs étapes. La première étape, c'est la sélection donc en région, et ça aura lieu donc au Babylone Cabaret. Donc c'est à la Grand Rue à Boucron, donc dans le quartier du Montaleux. Ça démarre là maintenant, hein. Il faut s'inscrire, et donc dans ces cas-là vous allez sur la page Facebook Le Tremplin des Talents. Ensuite, une fois que les sélections sont faites, vous avez la possibilité donc de vous produire directement sur Paris au cabaret Artichaut. La finale aura lieu dans une grande salle parisienne, et ensuite à la clé à gagner donc une tournée en 2020, une tournée française. Donc pour en savoir un peu plus, allez directement sur la page Facebook, hein, donc Le Tremplin des Talents, ou alors vous allez sur la page Facebook de Christian Lebon. Vous aurez toutes ces informations. À ce sujet, nous recevrons donc la semaine prochaine Philippe, nous en parlera dans le détail. Philippe, qui est donc le patron du Babylone Cabaret, et qui nous présentera à la fois le tremplin et ce merveilleux petit écrin dans lequel se passent pas mal de choses artistiques. Ça pourrait faire peut-être donner des idées à Canon. Oui, ça pourrait être sympa. Ben voilà, même à Sherlock d'ailleurs, hein, Sherlock qui pousse sa chansonnette. Oui, pourquoi ? Oui, mais après on reconnaît pas quand je chante, donc. Par contre, vérifie, parce que je tape tremplin des talents sur Facebook et c'est pas très clair. Il y a TNT, le tremplin des mouvements, tremplin des talents et tremplin des jeunes talents. Alors il faudra à l'artichaut. En fait, c'est le tremplin des talents à l'artichaut, je suppose. Oui, voilà. Ça c'est en fait quand on est sélectionné. On se retrouve après à l'artichaut. D'accord, mais là, voilà. Enfin, on va vérifier, on va essayer, parce que je trouve pas la page là. Voilà. Ça l'est, de toute façon, vous voyez sur la page 120 au compteur, vous voyez donc l'information. Et, on vous donnera ça. Voilà, donc c'est un gros événement. Il faut savoir que tous les médias vont être appelés, donc les médias presse et médias radio, pour couvrir l'événement. Ça démarre de mémoire au mois de décembre, la première sélection, et je n'ai pas la date sous les yeux. Si, c'est le 16 décembre, donc voilà, donc sur Boucron. Donc si vous avez du talent, vous avez envie de vous faire découvrir, monter sur scène aussi, hein, parce que rien que ça, des fois ça peut faire plaisir, et bien profiter de l'occasion des tremplins des talents. Voilà, Kelly. Mais le 16 décembre, il y a aussi quelque chose. On en a parlé un peu hors antenne. C'est une grande dame par la voix, parce que petite par la taille, c'est Brigitte Lecordier qui vient sur Moucron. C'est vrai. Oui. Dans un magasin qui s'appelle Le Pop. Effectivement, c'est dans la petite rue. Et donc c'est celle qui fait la voix de Sangoku petit dans Dragon Ball. Mmh. Dragon Ball Z, elle a fait Saint Gohan, Saint Goten, tous les Son en fait. Et elle a pas la tête de l'emploi du tout. Hein. Non, pas du tout. Mais c'est une voix qui est... blanche et faire des boules de feu quand elle peine. Non plus, hein. Non. C'est une voix. Et non, elle a vraiment pas la tête de l'emploi. Mais c'est une très grande dame et elle se prend super au jeu quand on lui demande de faire un petit peu la voix de Sangoku, elle le fait très facilement. Et je vais essayer d'aller la voir et peut-être même avoir un jingle pour la radio. Ah ouais. Ce serait sympa, Sangoku qui écoute RLM, ce serait bien. Ah ouais. Tu feras une photo avec puisqu'elle l'a pas. Mais quand j'entends Sherlock, t'as pas l'impression parfois d'entendre George Clooney, mais après quand tu vois la photo, c'est pareil. Quoi. Oui, non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. What else? Mais ceci dit, j'ai pas l'impression d'entendre George Clooney non plus. Non, Danny Boone. Mais c'est... Hein? Ouais, on se retrouve après une petite coupure musicale, à tout de suite. Hein? Je reste quelques heures à regarder dehors. Regarder. Lui tomber sur mes peurs et tomber sur mon corps. Je suis resté le tour de mon nid, chasser mes démons. Monter sur le fibre, seul avec mon bâton, j'ai laissé ma dérive guider quelques instants. J'ai regardé les deux rives, j'ai regardé devant. Les pieds dans le sable, faire le tour de mon île. Et même si c'est instable, je suis bien sur le fil. Je sens le vent entre mes doigts. Je suis à l'équilibre. Je suis à l'équilibre, oh oh. dans ce couloir immense qui mène à mon chemin. On voit derrière la ville, là devant l'horizon. Au bon tissu, mon fil en forme, seul avec mon bâton. Je suis presque tout là-haut pour écouter le vent. J'ai laissé mon bateau guider quelques instants. Les pieds dans le sable, faire le tour de mon île. C'est instable, je suis bien sur mon fil. Je sens la vie entre mes doigts. Je suis à l'équilibre. Je suis à l'équilibre. Je suis à l'équilibre. Je suis à l'équilibre. Je suis à l'équilibre. Je suis à l'équilibre. Quitte à tout prendre, je reprendrai le vent. Quitte à tout faire, je reperdrai le temps. Quitte à tout faire, je veux tout prendre. Quitte à tout prendre, je veux tout faire. Quitte à tout faire, je veux tout prendre. Quitte à tout prendre, je veux tout. Je suis à l'équilibre. Oh, ta ta ta ta. Je suis à l'équilibre. Walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra. And like Bruce Lee, bro, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service, watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. Little wiggle man. A little wiggle man. Yeah. I'm sexy and I know it. Que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. chanson. Trois lettres qui veulent dire radio. Carrelette, c'est toujours aussi radio, bon. Alors on va inventer un truc, ce serait bien quand même. Radio. J'allais dire une connerie. Libérer Macron. Libérer Macron, mais non. Radio libérer Macron. Alors, non, là, ça passera pas. Non, je pense pas. Bon, Sherlock, on a été content de te connaître. Voilà. Marine a une petite info à nous passer. Tout à l'heure, on parlait de talent. Et donc, il y a quelques semaines, je vous parlais d'un groupe qui s'appelle Zik Addict. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui. C'est un groupe qui fait du... y a du blues, de la rock, de la variété, du reggae, enfin, un petit peu... De la rock. Oui, de la rock. De la rock. De la rock. De Michel Larocque. Ah, il y a Larocque, là. Oui. Et ils recherchent un ou une bassiste et un ou une guitariste. Donc, si vous voulez faire partie de la famille Zik Addict, donc rendez-vous sur leur page Facebook, Zik espace Addict. Et voilà. Alors, guitariste, c'est quoi? Rythmique ou soliste? Question. Voilà. Ils sont où? Ils sont où? Parce que par habitude, les musicos, il faut qu'ils se voient et il faut pas qu'ils soient non plus à 50 km. Hein, non, ils sont du côté des Dampuis. D'accord, oui, donc c'est donc. Donc après, il faut les contacter sur leur page Facebook. Et d'accord. Donc ils cherchent un ou une bassiste et un ou une guitariste. D'accord. Voilà. Tu me donnes un record. Mais Nicolas, t'es musicien, toi, non? T'es malade. Non, tous les lundis, nous jouons du pipeau. Par contre, c'est niveau. Voilà, ils veulent des vrais. Oui, ils font pas, ils font beaucoup de scènes et tout ça, mais je vais partager sur Facebook comme ça directement la page. Pas de problème. Je prendrai des coordonnées. Moi, je vous ouvre une parenthèse très rapide. Vous avez entendu parler du Black Friday? Oui, bien sûr. Lola, on n'arrête pas d'en entendre parler. Ça nous vient des États-Unis, du Canada. Depuis 2014, c'est arrivé en France. Donc voilà, moi, j'aurai le plaisir de présenter justement le Black Friday au Bastion. Samedi et dimanche. Et oui. Alors cherchez l'erreur, Black Friday, samedi et dimanche. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Mais voilà, donc j'aurai le plaisir de présenter toutes les remises. Si vous voulez faire des bonnes affaires, sur l'ensemble de tous les commerçants qui se trouvent sur le site des Bastions. Si vous avez envie de me rencontrer, c'est l'occasion ou jamais. Et puis voilà, donc je vais vous en parler. Parce que je vais me sentir un peu seul. C'est bon, le Bastion, c'est grand. Ah ouais, c'est grand. Ah, tu vas avoir du bon, même peut-être. Ah ouais, c'est grand. Et qu'est-ce que tu fais en animation, en fait? Tu présentes les commerçants, tu te balades, en fait? Toutes les enseignes, toutes les enseignes, en fait, qui font des remises. Et voilà, donc peut-être que je ferai des emplettes en même temps. Qui sait? C'est ça que t'as gardé ton écharpe pour pas perdre ta voix cette fois. Ah oui, là, je fais attention, ça c'est clair. Bon, petite coupure musicale parce que tu vas nous parler après de cinéma. Oui, effectivement, je vais vous parler de cinéma. Allez, on repart avec le son belge de Noah Moon featuring Malo avec Paradise. There is a disaster at my head and I breathe in front of the sunset. No money, there's no problem, just let it go. You will see life is better without tears. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. I'm on my way, I'm on my way, yes, I'm on my way, hey. Ne te retourne pas, j'ai toujours l'horizon. Laisse derrière toi tes peurs, tes déceptions. Quand vient la nuit, s'efface les apparences. Il ne reste que l'essentiel, l'évidence. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, hey. Soyez sur l'unité RLM 107.9 FM. Et c'était donc Coldplay avec Hymn for the Weekend. Beyoncé. C'était Beyoncé. Je sais pas. Bah, je sais pas si à quel moment elle chante alors. Hein. Voilà la batterie. C'est bien. D'accord, bon, vas-y, passe tout de suite, t'as pas trop vacciné, Sherlock. Non, mais j'étais intéressé de savoir ce qu'elle allait faire. J'ai sûr que c'est elle, moi. Non, je sais pas, je sais pas. Je vais regarder sur Google. C'est pas elle qui fait les oiseaux au début. Ouais, peut-être. Non, non, je vais regarder, j'ai raison. Alors, donc je vais vous parler des sorties ciné donc, qui ont eu lieu hier pour la Belgique, d'ailleurs également pour la France pour ce titre, enfin ce film-là. C'est le film Mauvaises Herbes avec Cairon, Catherine Deneuve et André Dussolier. C'est un film de Cairon, donc, qui est un humoriste hein, à la base. Et donc c'est l'histoire de Wael, un ancien enfant des rues, qui vit en banlieue parisienne de petites arnaques et qu'il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui, donc qui est interprétée par Catherine Deneuve. Si sa vie donc prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre sur insistance de Monique un petit job bénévole dans son centre d'enfants exclus du système scolaire. Wael se retrouve peu à peu responsable d'un groupe de 6 adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d'armes. De cette rencontre explosive entre mauvaises herbes va naître un véritable miracle. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. En plus, lui, il vient de nulle part, quoi. C'est un gars qui a connu la guerre et tout ça, donc il est vraiment repêché. Si, vraiment, dans le film Mauvaise Herbe. Par contre, sauf erreur, l'acteur principal, il avait été repéré au Spotlight. Quelqu'un nous en avait parlé dans une autre émission. C'est possible. C'est bien possible. C'est possible. Quelqu'un qui était venu. Cairon, je crois qu'il était également dans le Jamel Comedy Club. Il y avait ça, parce qu'à Marrakech, ils en avaient parlé aussi récemment. Il a été repéré, je crois, au Spotlight, mais il y a quelques années, hein. Donc voilà. Alors ensuite, je vais vous parler du film Millennium, ce qui ne me tue pas. C'est avec Claire Foy, Sverrir Gudnason et Sylvia Hoeks. Bon, désolé, c'est les noms un peu alambiqués. Et c'est de Fede Alvarez. C'est sorti en France le 14 novembre. Donc c'est Franz Balder, éminent chercheur suédois en intelligence artificielle, qui fait appel à Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel qu'il a créé et permettant de prendre le contrôle d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu'un groupe de terroristes mené par Jan Holster sont également sur la piste du logiciel. Traqué, Lisbeth va faire appel à son ami le journaliste. Voilà, c'est tous des noms à coucher dehors. Michael Blomqvist. Ah bah, c'est l'expression. qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. Voilà, donc c'est la suite hein, du film Millennium. C'est une série qui est tirée de la série de bouquins. Ouais, moi je connais pas. J'espère que ça sera vraiment dans la même logique parce que Millennium, ce que j'aime pas, c'est que là il y a déjà un synopsis. Alors que Millennium, logiquement, c'est compliqué d'en faire un. Je veux dire, c'est tout l'esprit de Millennium, c'est que c'est des choses très compliquées. Par contre, l'actrice a l'air prometteuse. Oui, bah après. Elle a l'air complètement barrée comme il faut. Je veux dire, pour le cinéma, il faut quand même qu'il fasse un synopsis. Hein. Si tu mets un film où t'as rien. Ouais, je sais bien, mais quand tu regardes les autres, c'est compliqué parce qu'il te laisse un peu l'intrigue dans le synopsis. Là, on sait déjà, bon, l'intelligence artificielle. Elle est recrutée pour ça, elle est faite pour ça, elle est machin. Bon, t'as déjà vu le film à l'ère américaine un peu quoi. Faut voir, à voir. Allez, bon, on se retrouve après une toute petite coupure musicale et on revient tout de suite après ça. c'était M avec Mojo. Et donc là, je vais vous parler des sorties France. De quoi? J'ai même pas reconnu. Mais c'est vrai? Ah, je t'assure. Ah, la honte. Mais j'écoutais honte, pas, en fait. Ah ouais, non, c'était... Ah bah, tu peux le remettre? Non, peut-être pas. Donc non, c'était le titre Mojo de M. Alors, je vais vous parler donc des sorties France avec le film Les Bonnes Intentions avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov et Tim Seyfi. C'est un film de Gilles Legrand et ça sort en Belgique le 19 décembre. C'est une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire qui est mise en concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation avec l'aide d'un moniteur passablement foireux sur le hasard de chemin du code de la route. Donc il est joué donc par Alban Ivanov. Alban Ivanov qu'on avait connu également, je pense, dans l'émission de Ruquier, on ne demande qu'à en rire. Ah oui, d'accord, hein. D'accord. Alors j'imagine que Bacri joue dedans. Écoute, je sais pas, j'ai pas vu. Parce que Jaoui sans Bacri, c'est rare quand même. Ouais, bon. Je vais finir donc avec le film Overlord. C'est avec Rovan Adepo, Wyatt Russell et Mathilde Olivier de Julius Avery. C'est sorti en Belgique déjà depuis le 7. Et donc c'est à la veille du débarquement, un groupe de parachutistes est largué en France occupée. Alors qu'ils luttent pour accomplir ce qui ressemble à une mission impossible, ils tombent sur un laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles aussi étranges que terrifiantes. C'est un peu... Ouais, un peu science-fiction quand même. Hein. Ah ouais, tout ouais, ça dans le contexte de la Seconde Guerre. C'est quoi le titre? Ça s'appelle Overlord. It's Overlord. Bah, c'est l'opération Overlord, je suppose. Bah, certainement, ouais. Je sais pas, moi je suis chirurgien. Alors qu'est-ce que vous irez voir, Marine? Overlord, ok. Ouais. Harry. Ouais. Moi, en ayant déjà été au cinéma avec Marine, j'irai pas voir Overlord. Tu rigoles, j'étais à 3 sièges. Bah justement, rien que toi. Il y a aucun des films là, franchement, à part Sausage Party, mais. Oh ouais, d'accord, bon. Voilà. Et Canon. Overlord. Overlord, ok, ouais, ça marche. Bon, et ben, il nous reste quelques minutes. À peine un peu plus d'une minute. Voilà, à peine quelques minutes. donc quelques secondes, une poignée de secondes pour rappeler qu'il y a effectivement la RLM Private Party qui aura lieu donc au Salon des Orchidées. Vous le savez, il y a des différents points de vente à Boucron, à Waterloo. Donc... À Tourcoing, oui. Merci de suivre, Marine. Si vous voulez aller retrouver les points de vente, et bien évidemment, vous allez directement sur la page 620 au compteur ou sur la page de RLM Radio et vous aurez tous les points de vente. On compte sur vous. Vous allez voir, il y aura des super ambiances. Il y aura le DJ Arnaud qui sera là. Il y aura tous les animateurs qui seront là. Donc, on compte sur vous. On va passer un très très bon moment. Nous, on va se quitter. Merci, oui. Sherlock. Mais je t'en prie. Merci Marine. À la semaine prochaine. Merci Canon. Et de rien, je vous parlerai de Marrakech. J'y retourne en avril. Je vous ferai un backup sur l'année. Mais non, mais ça va être l'arlésienne de l'émission. Pendant l'automation, tu nous parleras de Marrakech. Alors en tout cas, portez-vous bien et restez bien sûr à l'écoute de RLM parce que c'est toujours aussi bon. Oui, allez, ciao.